Vaccination obligatoire contre la rougeole en Allemagne à partir de 2020. Les politiciens ignorent les voix du peuple. Opinion sans phare. Aujourd'hui avec Hans Huppé Tolzin, journaliste médical et lanceur d'alerte au sujet de la vaccination. Le 14 novembre en Allemagne, le Bundestag allemand a décidé, grâce au vote de la CDU et du SPD, d'introduire la vaccination obligatoire contre la rougeole. Avec un total de 459 voix pour, 89 contre et 105 abstentions, le vote a été clair. À compter de mars 2020, les parents devront prouver que leurs enfants ont été vaccinés contre la rougeole avant de pouvoir les mettre dans une garderie ou une école. Sinon, ils pourraient se voir infliger de lourdes amendes. CLA TV a montré dans différentes émissions que les principaux médias fournissent des informations extrêmement partiales sur le thème de la vaccination obligatoire contre la rougeole et étouffent complètement les voix critiques, comme c'est le cas par exemple pour la déclaration de la Société allemande de toxicologie environnementale et humaine qui informe sur les effets secondaires graves après les vaccinations ainsi que sur les composants nocifs des vaccins. En outre, une multitude de citoyens ont écrit de manière objective aux politiciens pour les informer des voix critiques importantes. Mais il apparaît une fois de plus que la majorité des politiciens ne prennent pas les voix du peuple au sérieux. Apparemment, ils ne se considèrent plus comme des représentants du peuple. Maintenant, voici une voix importante qui n'a malheureusement pas non plus été entendue par les politiciens. Hans Huppé Tolzin, le célèbre journaliste médical et lanceur d'alerte au sujet de la vaccination, parle des déclarations des cas de décès après vaccination. Depuis 2001, les professions médicales allemandes sont tenues de signaler les cas présumés de complications de la vaccination et de dommages causés par la vaccination qui vont au-delà de ce qu'on appelle le niveau habituel. L'intention du législateur à l'époque était d'augmenter considérablement le taux de déclaration catastrophiquement bas des complications liées au vaccin, afin d'obtenir de meilleures données sur l'innocuité des vaccins. La loi sur la protection contre les infections prévoit une amende pouvant atteindre 25 000 euros en cas de non-respect de l'obligation de déclaration. Néanmoins, l'Institut Paul Ehrlich, en abrégé PEI, l'autorité allemande chargée de l'homologation et de l'enregistrement des vaccins, agit encore aujourd'hui comme si nous avions encore en Allemagne un pur système d'enregistrement volontaire. Comme si les médecins et autres thérapeutes étaient totalement libres de signaler ou non les effets secondaires graves après une vaccination. En outre, même les décès signalés sont traités avec une extrême négligence. Tout cas de décès pour lequel la famille de la victime ne parvient pas à prouver au tribunal le lien avec la vaccination n'est en principe pas considéré comme lié à une vaccination qui a précédé. Même si le temps écoulé entre les deux n'est que de quelques heures. Donc, pour ainsi dire, selon le principe, tant que la personne décédée ne peut pas prouver que c'est dû à la vaccination est considérée comme innocente. Oliver S., un lecteur de mes publications, m'a fait remarquer que l'autorité cache peut-être intentionnellement les décès dus au vaccin contre la rougeole dans sa base publique de données. Si vous mettez dans la base de données le filtre « état final du cas » et le critère « décès », alors on trouve dans la période de 2000 à aujourd'hui au total 22 décès déclarés suite à un vaccin avec un composant contre la rougeole. C'est aussi les chiffres que je connaissais alors. Oliver S. m'a fait remarquer qu'il y a un total de 10 enregistrements dans la base de données où « mort » ou « mort cérébrale » est inscrit dans « réaction » ou « maladie déclarée ». Mais dans la rubrique « état final du cas », par exemple, on a noté « inconnu ». Dans ces cas également, la rubrique « état final du cas » devrait contenir « décès ». Comme ils n'ont pas été sauvegardés correctement, on ne peut trouver ces décès que si on les recherche spécifiquement. Cet exemple montre que la PEI peut délibérément essayer de manipuler le nombre de décès déclarés après la vaccination contre la rougeole, afin de garder les portes ouvertes aux décideurs politiques pour la vaccination obligatoire prévue contre la rougeole. Et cela a parfaitement réussi. Les voix critiques, les préoccupations et les avertissements alarmants ont été ignorés par la plupart des politiciens. Une fois de plus, la population doit en subir les conséquences.